Vous êtes assez fou. 89.1. Cette semaine, au Mathieu Plante Show. Dans Television Television, un graffiti dans la série Homeland traite la série de raciste. Assez fou, je reçois des post-it qui disent c'était pas drôle, puis c'est toujours signé Tania B, je comprends pas. Dans Merci Science, détecter un cancer grâce à l'haleine et à un laser. Dans le fond, quand j'offre une menthe à quelqu'un, je lui sauve peut-être la vie. Et dans le segment Geek Célix, la pub est gênante pour 74% des mobinotes. Incroyable. Le Mathieu Plante Show commence tout de suite. Et voici celui qui est gênant pour 100% des gens, sinon il fait pas sa job. Mathieu Plante! Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, dans l'émission de la semaine du 19 octobre 2015, la chronique télévisuelle Television Television, la chronique de sciences, technologie et médecine Merci Science et le segment geek CNX. Dans quelques instants, ça va être la chronique sur les jeux vidéo rétro d'un gamer à un autre avec notre collaborateur Samuel Girard. Mais avant ça, je me suis dit qu'on allait se mettre dans le bain pour la thématique de Samuel. Voici une petite chanson de Castlevania 2, Bloody Tears, au 89 FM, c'est fou. Bloody Tears, un cover de Castlevania 2 Simon's Quest par FerdK, F-E-R-D-K, qui a un album complet de pièces métal de Castlevania disponible sur assemblagerockey.com. C'est son cover qui est ici. C'est disponible et ça fait partie d'une multitude de jeux de Castlevania qui sont remixés ensemble sur son album. Donc, encore une fois, assemblagerockey.com. Et on écoutait de la musique épeurante comme ça, parce qu'on veut sauter dans les chroniques d'un gamer à un autre avec Samuel Girard. C'est froid dans le dos là. Salut Samuel Girard. Hey, bonjour. Joyeux Halloween. Oui. Donc la semaine prochaine, j'ai pas ma chronique. L'autre d'après tombe après l'Halloween. Ouais. Donc je me suis dit aujourd'hui,

La pièce Mince Tango par Commissar au Mathieu Plante Show avec quelques extraits du Parlons des Pannes à l'intérieur. C'est fait sur LSDJ pour ceux qui aiment savoir comment la musique chiptune est créée. Encore une fois, LSDJ, c'est le nom du truc qu'on utilise. Je sais pas si c'est un logiciel ou un plugin. C'est pas mon genre de domaine. Maintenant, tiens, vous êtes toujours au Mathieu Plante Show après avoir eu peur. Tantôt, on revient à la normale un petit peu. Hein? Ça va être complètement différent. Parce que voici Television. C'est Television, chronique dans laquelle on parle des nouvelles télévisuelles des 7 derniers jours. Commençons au Québec, comme on le fait tout le temps, avec de nouveaux appuis pour la survie de la chaîne avisderecherche.tv. Les anciens ministres de la Justice Marc Bellemare et Bertrand Cetarnot, le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu et l'animateur Stéphane Gendron ont ajouté leur nom aux personnalités appuyant la chaîne de télé ADR.tv, dont la survie est menacée. La chaîne spécialisée en prévention et en sécurité publique s'est vu retirer le statut de chaîne d'intérêt public par le CRTC dans une décision rendue en août 2013. ADR.TV affirme que cette décision menace ses activités à très court terme puisqu'elle retire la distribution obligatoire de la chaîne du service de base de la télévision numérique. Les nouveaux appuis dévoilés s'ajoutent à ceux de différentes personnes ou organisations qui sont intervenues en faveur de la chaîne au cours des dernières semaines, dont la ministre de la Sécurité publique, Lise Thériault, le maire de Montréal, Denis Coderre, le chef du Bloc québécois, Judicep, et la Fédération québécoise des municipalités. ADR.TV collabore au quotidien avec les services de police en diffusant les dossiers de suspects recherchés et de personnes portées disparues. Par communiqué, ADR.TV a indiqué que la Gendarmerie royale du Canada lui avait fait savoir qu'elle attribuait la résolution de 34% de ses dossiers de liberté illégale à la diffusion d'informations sur la chaîne. La chaîne cite également un sondage CROP réalisé en avril 2015 auprès de 1000 personnes, indiquant que plus de 2 Québécois sur 3 sont en désaccord avec la décision du CRTC à ce sujet, que 78% des répondants croient important qu'une chaîne se consacre exclusivement à la sécurité publique et que 89% sont prêts à payer 6 cents par mois pour que le service soit maintenu. Je pense que 6 cents par mois, c'est en effet absolument rien comparé à ce qu'on paye pour les chaînes de sport. Là. Ça n'a aucun sens. On espère que la survie de cette chaîne va continuer. Le Clan est en nomination en Allemagne. La série dramatique Le Clan est dans la course du prix des nouveaux créateurs, un nouveau volet du Festival international du film Mannheim Heidelberg, présenté en Allemagne. Il s'agit de la seule série canadienne en compétition. Le Clan se retrouve en lice avec 7 autres productions provenant d'un peu partout en Europe et de l'Australie. Le lauréat sera dévoilé bientôt. Mettant notamment en vedette Sébastien Ricard et Luc Senay, Le Clan évoque l'histoire de Yannick Moreau, un criminel repenti du Nouveau-Brunswick et qui a refait sa vie au Québec, et dont la famille ignore tout de son passé trouble. La série débute alors que ses anciens complices sont sur le point d'être libérés de prison, menaçant de briser sa nouvelle vie. Le Clan sera présenté à Radio-Canada à partir du 31 octobre à 21h. L'article date du 13, donc ça a été révélé qui est le gagnant. Je vous en reparlerai si ils ont gagné. Je suis juste pas allé voir. Et on parle d'adaptation maintenant d'une émission québécoise, Un chef à l'oreille, qui sera distribuée à travers le monde. Warner Brothers International Television Production, le plus important distributeur de production télévisuelle au monde, a acquis les droits de distribution du concept Chef in Your Ear pour en faire la distribution à l'international, à l'exception de l'Asie. Le concept a été créé par Justin Scroggie et développé par Ricardo Larrivé, Michel Rodrigue, Lee Herberman et Henry Less. Depuis son entrée en ondes sur le Food Network en août dernier, l'émission fait partie des trois plus populaires chez les adultes de 18 à 49 ans sur 59 réseaux câblés au Canada. La version francophone Un chef à l'oreille est présentée sur les ondes de Radio-Canada depuis le 11 septembre. Le concept présente des chefs de grand talent, vous le savez, dont Martin Junot au Québec, qui acceptent de troquer leur couteau contre un micro et une paire d'écouteurs afin de donner des instructions à distance à des novices sans expérience culinaire avec qui ils sont jumelés. Les chefs se retrouvent isolés sans possibilité de sentir ou de goûter le travail de leurs novices et doivent relever des défis culinaires pour remporter la compétition. On va au Canada anglais alors que la journaliste aux affaires de la CBC, Amanda Lang, quitte le diffuseur public. La rédactrice en chef de CBC News, Jennifer Maguire, a indiqué dans une note interne au personnel que la journaliste bien connue avait accepté une nouvelle offre à la télévision et qu'elle prévoyait accorder plus de temps à l'écriture. Elle prévoit publier un livre l'an prochain. Amanda Lang a commencé à travailler à CBC en 2009 à la barre de The Lang and O'Leary Exchange, qui est devenu The Exchange with Amanda Lang après que Kevin O'Leary ait quitté l'émission. On en a parlé ici même à Television. La journaliste faisait aussi partie de l'équipe de l'émission hebdomadaire The National. C'était sa dernière journée récemment à l'antenne de CBC. Elle sera remplacée par le journaliste Bruce Sellery pour les deux prochaines semaines. Amanda Lang a été éclaboussée par des allégations de conflit d'intérêts dans les derniers mois. On avait parlé de ça aussi, mais la CBC avait fait enquête et conclu qu'elle avait respecté l'éthique journalistique. Au début du mois de janvier, le site web Canada Land alléguait qu'il avait tenté en 2013 de saboter un reportage sur la Banque royale du Canada et son embauche d'employés étrangers temporaires. Le reportage affirmait que la banque avait commandité des discours et des événements auxquels Amanda Lang avait été invitée à parler et que la journaliste avait une relation sérieuse avec un membre du conseil d'administration. La principale intéressée a soutenu avoir informé ses patrons de sa relation. La CBC avait défendu son employé, disant que ses discours et apparitions payées étaient approuvés et ne violaient pas les règles. Néanmoins, à la fin du mois de janvier, le diffuseur avait annoncé qu'il n'approuverait plus ses invitations à ses journalistes. On s'en va aux États-Unis pour un retour de Fantasy Island. La chaîne américaine ABC aimerait voir revenir sa série des années 70, L'île fantastique, avec un changement de taille. Et là, c'est pas un mauvais jeu de mots avec un des personnages... qui était un nain. Hein. Monsieur Rourke, le héros de la première version, laisserait sa place à une femme. En 1978, les Américains découvraient Fantasy Island, une série qui se déroulait sur une île paradisiaque où n'importe quel désir pouvait se réaliser. La série produite par Aaron Spelling, qu'on connaît entre autres pour La Croisière s'amuse, a été diffusée jusqu'en 84, donnant naissance à 7 saisons. Pour son retour à l'antenne, la série se féminisera. Monsieur Rourke, hôte des lieux incarné par Ricardo Montalban, céderait sa place à une femme brillante, dynamique et sexy, qui évidemment est en 2015, qui dirige une société à San Francisco capable de concrétiser les rêves et les fantasmes de ses clients, même les plus fous ou les plus bizarres. Ça s'appellera évidemment Fantasy Island, cette firme. Cette version sera chapeautée par Sony Pictures Television et Sheldon Turner, qu'on connaît pour X-Men Le Commencement, à l'écriture. ABC avait déjà tenté de faire revivre L'île fantastique en 98 avec l'acteur Malcolm McDowell, le héros de Orange Mécanique, mais avait dû annuler sa série après seulement 13 épisodes, faute d'audience. Et là, on réessaie, tout le temps la même chose. Pour ce deuxième essai, la chaîne essaiera avec une héroïne à l'image du remake de l'agence touristique The A-Team, dont on parlait il y a quelques semaines, qui féminisera son équipe. L'adaptation pour CBS de L'île du Dr. Moreau, qui aura pour héroïne la Dr. Catherine Moreau. Même chose aussi pour les Ghostbusters, qui sont rendus des femmes aussi, donc on essaie tout. Là. On essaie absolument n'importe quoi. Jusqu'à ce que ça colle. Parlant de femmes, tiens, féminisme au programme de la prochaine série de Lena Dunham. La créatrice et star de Girls poursuit sa collaboration avec la chaîne américaine HBO avec Max, une comédie qui évoquera le mouvement féministe des années 60. Depuis 2012, Lena Dunham décortique dans sa série la génération Y à travers le parcours semé d'embûches de quatre amies new-yorkaises. Avec Max, elle remonte le temps jusqu'en 1963, période de Baby Boomers et de la deuxième vague féministe. Sa nouvelle héroïne, Maxine Woodruff, est une ambitieuse auteure, mais de bas étage, qui se retrouve malgré elle plongée dans l'effervescence de ce mouvement pour les droits des femmes. Lena Dunham réalisera elle-même le pilote de cette série à l'ambiance Mad Men, un exercice qu'elle connaît bien puisqu'elle a déjà mis en scène 15 épisodes de Girls, ainsi que le long-métrage Tiny Furniture. Elle laissera le premier rôle à Lisa Joyce, actrice aperçue dans une autre série de HBO, Boardwalk Empire. Maintenant, P. Diddy met en scène la vie de son assistante. Le rappeur, donc P. Diddy, va produire une série basée sur le parcours de son assistante pour la chaîne ABC, d'après The Hollywood Reporter. Une fille de la campagne qui travaille pour un millionnaire, un rêve américain que Sean Combs, plus connu sous le nom de P. Diddy, a choisi de raconter à la télé dans The Hustle. L'histoire suivra une jeune fille issue d'une petite ville qui va du jour au lendemain devenir assistante d'un milliardaire et se retrouver jetée dans un monde où règne l'extravagance, la débauche et l'aventure. L'écriture du scénario a été confiée à Jeremy Garelli de La Rupture et à Stacey Harmon de la série The Goldbergs. Sarah Snedeker, l'assistante du rappeur, producteur de musique, acteur et entrepreneur, est aujourd'hui devenue producteur exécutif de Revolt Films Banner. Elle a été nommée productrice et consultante pour la série par Sean Combs. Ensuite, un livre sur la mort de Michael Jackson va être adapté à la télé. Le présentateur et écrivain américain Tavis Smiley vient de signer un contrat avec la société Warner Brothers Television Group. Deux de ses livres, dont l'un sur la mort de Michael Jackson, feront l'objet d'une adaptation télévisée. Before You Judge Me, The Triumph and Tragedy of Michael Jackson's Last Days ne sortira dans les librairies qu'en juin prochain et pourtant un projet d'adaptation est déjà en route. Cette biographie devrait offrir un point de vue encore inédit sur les derniers instants du roi de la pop décédé en 2009. Un second ouvrage de Tavis Smiley, sera également transposé sur le petit écran My Journey with Maya, qui raconte la relation de presque 30 ans entretenue par l'animateur avec l'auteur et poète engagé Maya Angelou. Tavis Smiley est par ailleurs déjà en train de développer une série pour Warner Brothers basée sur un autre de ses livres consacré à la disparition de Martin Luther King, Death of a King, The Real Story of Dr. Martin Luther King Jr.'s Final Year. Il fait tout le temps des noms tellement longs. Aux États-Unis, les titres de livres mesurent 3 pages. Ça n'a aucun sens. Ils sont tous pareils. Les auteurs. Et non les gens noirs. Qui est le cas de Tavis Smiley. La suite du mariage de mon meilleur ami s'en vient à la télé. Le mariage de mon meilleur ami pourrait revenir, donc la suite de la comédie romantique avec Julia Roberts, Cameron Diaz et Dermot Mulroney serait actuellement en préparation chez ABC. Il ne s'agirait pas d'une adaptation pour la télé, mais bel et bien d'une suite. Dans le film réalisé en 97 par P.J. Hogan, la critique culinaire Julianne Potter, jouée par Julia Roberts, tentait d'empêcher le mariage de son meilleur ami Michael O'Neill, joué par Dermot Mulroney, et Kimberly Wallace, avec Kimberly Wallace, qui est Cameron Diaz. La série se concentrait sur la vie new-yorkaise mouvementée de la jeune femme après les événements du film. La série se concentrerait sur la vie new-yorkaise mouvementée de la jeune femme après les événements du film. Les téléspectateurs y retrouveront également George, le meilleur ami homosexuel et faux fiancé de Julianne, incarné en 97 par Rupert Everett. Le scénario est actuellement en cours d'écriture par Ron Bass, qui a écrit celui du film de 97. Si le projet est confirmé, la série sera diffusée sur la chaîne ABC à une date encore inconnue. On reste dans les adaptations et les nouveautés. Les X-Men débarquent à la télé avec deux nouvelles séries. La chaîne américaine Fox va diffuser Hellfire et sa petite sœur FX, donc petite sœur de la chaîne Fox, donc FX, la série Legion. Donc c'est ce qu'on a révélé sur Variety.com. Les deux séries basées sur les bandes dessinées de Marvel seront produites par Bryan Singer, qui est le réalisateur de X-Men Apocalypse. Hellfire suivra les aventures d'un jeune agent spécial. Ce dernier va découvrir qu'une femme avide de pouvoir, dotée de capacités extraordinaires, travaille avec une société clandestine de millionnaires appelée le Club des Damnés, dans le but de dominer le monde. Dans Legion, David Haller, adolescent atteint de schizophrénie qui a passé de nombreuses années dans les hôpitaux psychiatriques, va voir sa vie chamboulée après sa rencontre avec un autre patient. Le jeune homme se demandera alors si les voix qu'il entend et les visions qu'il a régulièrement ne sont pas finalement le fruit, seraient finalement pas le fruit de son imagination. Eva Longoria se lance dans le paranormal. Eva Longoria, l'actrice, développe avec Jason Blum Zone of Silence, une série paranormale pour NBC selon Deadline. La star est Jason Blum, qu'on connaît pour Activité paranormale. On travaille ensemble dans le film d'horreur Visions, attendu pour l'an prochain. Zone of Silence est basé sur une légende urbaine qui prétend que les signaux radio ne passent pas dans le désert de Mapimi au Mexique, créant une impossibilité totale de communication. Eva Longoria et Jason Blum s'intéressent depuis à cette zone de silence qui n'est pas sans rappeler le fameux triangle des Bermudes. Les deux acteurs n'ont toujours pas dévoilé s'ils comptaient jouer eux-mêmes dans la série. Dr. Grey, leçon d'anatomie, on aurait Denzel Washington comme réalisateur. Un seul épisode de Dr. Grey, leçon d'anatomie, serait réalisé par Denzel Washington. La star passerait derrière la caméra pour le 9e épisode de la saison 12 de la populaire série. Écrit par Stacey McKee, la scénariste de la série, l'épisode sera tourné ce mois-ci et diffusé en fin d'année sur ABC. L'acteur oscarisé pour sa prestation dans Jour de formation en 2012 s'est déjà essayé à la réalisation dans deux films, dans lesquels il tient également la vedette, Antoine Fisher en 2002 et The Great Debaters en 2007. Ce sera la première réalisation télé de Denzel Washington, acteur qui est aussi à l'affiche de la nouvelle version des Sept Mercenaires, réalisée par Antoine Fuqua, ainsi que du second volet du Justicier. Maintenant, notre nouvelle de couverture. On en a parlé en introduction d'émission. La vedette de Homeland, Claire Danes, marche dans une ruelle étroite du Liban dans le plus récent épisode de la série de la chaîne Showtime et passe devant un mur recouvert de graffitis en langue arabe. Eh bien, les producteurs avaient demandé quelque chose de générique, suggérant Mahomet est le plus grand pour donner l'impression d'être dans un camp de réfugiés contrôlé par le Hezbollah. Mais le groupe de trois artistes embauchés pour ces graffitis a plutôt profité de la tribune pour poser un geste d'éclat. Le message vu par plus d'un million de téléspectateurs lorsque l'épisode a été diffusé aux États-Unis était plutôt « Homeland et raciste ». La scène a été tournée cet été à Berlin, mais le groupe qui s'est baptisé « Les artistes de rue arabes » en référence à son embauche par les producteurs de l'émission pour le décor a gardé son geste secret jusqu'à la diffusion de l'épisode. Ensuite, le trio formé des artistes Stone, Heba Amin et Karam Kapp a publié les détails de son geste sur le site web de Heba Amin et les images ont rapidement fait le tour du monde. Le coup d'éclat a été si bien fait que même le producteur de Homeland, Alex Gansa, n'a pu que manifester son respect envers les artistes. L'émission qui en est à sa 5e saison est extrêmement populaire, mais a aussi été vertement critiquée pour la façon dont elle dépeint les musulmans et par les gouvernements du Liban et du Pakistan qui n'apprécient pas le portrait que la série fait de leur pays. Lorsque l'équipe de l'émission a approché Stone au cours de l'été à la recherche d'artistes de rue arabes qui pourraient ajouter des graffitis semblant authentiques, le premier réflexe de l'artiste a été de refuser. Stone a expliqué que les artistes avaient au départ songé à utiliser des proverbes arabes et à les réécrire légèrement avec des messages codés, mais ont commencé à écrire des messages directs, notamment « Homeland est une blague, il ne nous fait pas rire ». Voilà. Homeland n'est pas une série télé et le slogan « Black Lives Matter » qui est très connu aux États-Unis. Jusqu'à maintenant, les artistes ont été dépassés par la réaction positive des gens, surtout des téléspectateurs des États-Unis, mais aussi du Moyen-Orient. Donc, félicitations pour d'avoir réussi à intégrer des messages comme ça subtilement dans une émission aussi populaire. Il y a une pétition en Australie par rapport aux Simpsons. Ouais, donc les Dollary Dues un des épisodes les plus collés des Simpsons, a mis une pétition sur change.org en Australie, pardon, pour renommer leur argent comme façon de stimuler l'économie australienne. Thomas Probes, qui a parti la pétition, dit que le changement ferait que des millions de gens autour du monde voudraient mettre la main sur l'argent australien, le dollar australien, comme on l'appelle, c'est juste un dollar, tout simplement. Donc la pétition est adressée envers les politiciens, dont le premier ministre Malcolm Turnbull, le ministre du cabinet Matthias Cormann, et les chefs des oppositions Bill Shorten et Richard Di Natale. Ça a ramassé, donc rassemblé presque 17 000 personnes, 17 000 signatures depuis le début de la pétition. Donc pourquoi ne pas arrêter à l'argent, pourquoi arrêter à l'argent alors qu'il y a plein d'autres exemples de choses qu'on pourrait amener à des grenouilles qui s'appelleraient les Chazwazers et même un nouveau design pour le drapeau australien dans cet épisode des Simpsons. Allez voir les extraits sur assemblagerequis.com. Voilà pour les choses importantes qui se sont passées en télévision. Allons-y avec les cotes d'écoute pour la semaine du... Attention... les cotes d'écoute des émissions un peu... voyons, où est le nom de la semaine? Bref, pour une semaine la plus récente disponible. Position 15 à 6, je m'excuse. Les dieux de la danse sur invitation seulement. Vlog, les enfants de la télé, Mémoire vie, Vol 920, Les pêcheurs, tout le monde en parle. Au secours de Béatrice et O. En cinquième, c'est Yamaska. En quatrième, pour Sarah. En troisième, Boomerang. En deuxième, Unité 9. Et en première place, c'est Le Banquier. Ensuite, du côté du Canada anglais, 15 à 6 en rafale, The Blacklist, Hawaii Five-O, Gotham, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., Code Black, NCIS New Orleans, Blue Bloods, Grey's Anatomy, Blindspot et Castle. En cinquième, Survivor Cambodia. En quatrième, Criminal Minds. En troisième, The Big Bang Theory. En deuxième, Quantico. Et en première, c'est NCIS. Tout ça pour les codes d'écoute de la semaine du 28 septembre au 4 octobre. Voilà. Ils ont changé le site de tvqc.com où je prends mes codes d'écoute en lien sur assemblagerequis.com. Tout est à l'envers. Donc voilà pour les codes d'écoute, voilà pour Television, c'est tout. On passe encore une fois en chiptune, on s'en va entendre une pièce de Beatscribe. Hein? Voici MTRD Surface Area, tout de suite MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou. We'll be right back. 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Avec Nessie au Mathieu Plante Show et avant la pause, Surface Area par Beatscribe. On continue avec Merci Science. Merci Science, c'est la chronique dans laquelle on remercie la science d'exister. Commençons avec le cerveau d'un rat qui a été modélisé sur ordinateur en partie. Des chercheurs internationaux ont simulé sur ordinateur une partie du cerveau d'un rat. Ce petit bout de cerveau virtuel marque un premier pas vers la modélisation du cerveau humain. Ces travaux parus dans la revue Cell, menés dans le cadre du Blue Brain Project et coordonnés par l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, en Suisse, visent tout d'abord à reproduire un cerveau de rat complet et à plus long terme à modéliser un cerveau humain pour mieux le comprendre et l'étudier. Cette première reconstruction d'un échantillon de tissu cérébral et de son fonctionnement contient plus de 31 000 neurones, 55 couches de cellules et 207 différents sous-types de neurones. D'importants efforts de recherche sont en cours en Europe et aux États-Unis pour déterminer les différents types de neurones ou encore les cellules nerveuses du cerveau pour mesurer leurs propriétés électriques et cartographier les circuits neuronaux et leurs branchements. Utilisant cette abondance de données, ces scientifiques ont reproduit une tranche virtuelle du cerveau représentant différents types de neurones dans la région du néocortex ainsi que les mécanismes clés contrôlant leur fonctionnement. En découle notamment une modélisation de leur connectivité, y compris près de 40 millions de synapses et 2000 branchements entre chaque type de cellule cérébrale. Une fois achevée cette reconstruction, les chercheurs ont utilisé de puissants superordinateurs pour simuler le comportement des neurones dans différentes conditions. Ils ont toutefois estimé que le mot simulation cérébrale ne constituait pas une démonstration suffisante, indiquant qu'il est possible de reproduire informatiquement un cerveau humain qui contient plus de 100 milliards de neurones. Cette étude a été en partie financée par le Human Brain Project, un programme de recherche européen doté de plus d'un milliard de dollars. détecté un cancer grâce à l'haleine et à un laser. On en parlait en introduction d'émission. Et bien, un nouveau type de laser pourrait faciliter l'identification des molécules spécifiques à des maladies présentes à de très faibles concentrations dans l'haleine. C'est ce qu'affirment des chercheurs qui ont mis au point ce nouveau laser infrarouge compact et très puissant. La spectroscopie moléculaire ou molecular fingerprinting utilise un laser dans une certaine portion du spectre électromagnétique. La comparaison du rayon avant et après la traversée d'un échantillon permet de connaître les longueurs d'onde absorbées et donc la composition moléculaire de l'échantillon. Les radiations en moyenne infrarouge de 2 à 25 micromètres peuvent stimuler, tu vois là c'est bien stimulé, t'sais. Un petit peu de dyslexie des fois, stimuler la plupart des vibrations moléculaires. Or, aucun laser actuellement existant ne peut émettre de la lumière à travers un large éventail de longueurs d'onde du moyen infrarouge, ce qu'on appelle les mid-infrared ou les MIR. Les appareils existants utilisent des cristaux non linéaires pour transformer des radiations aux longueurs d'onde plus courtes du proche infrarouge, ce qu'on appelle le NIR ou encore Near Infrared, en longueur d'onde plus longue. Mais dans un article paru dans Nature Photonics, des chercheurs présentent un nouvel appareil compact qui produit des pulsations avec une puissance de 0,1 watts pour une couverture spectrale de 6,8 à 16,4 micromètres. Joachim Pupesa de l'Institut Max Planck près de Munich et ses collègues ont créé ce système avec un type différent de cristaux non linéaires. Le principe de l'appareil est le suivant, une radiation NIR est créée dans un oscillateur laser femtoseconde dans lequel le milieu actif est un disque formé d'un matériau dopé à l'iterbium, la lumière, tu sais, hein, ça fait toute la différence. La lumière provenant de l'oscillateur est comprimée en pulsation de 20 femtosecondes et convertie en MIR avec un cristal non linéaire formé de sulfure de lithium-gallium. Vous savez que je vais sauter le reste de l'article et aller à la fin. Le nouveau laser pourrait servir à détecter et identifier de petites quantités de molécules présentes dans des liquides ou des gaz. Et il est créé pour une application particulière, c'est la détection de marqueurs de maladies présents à de très faibles concentrations, par exemple dans l'haleine humaine. Une source de lumière intense est nécessaire pour détecter de telles molécules. En effet, l'air expiré peut contenir des molécules organiques spécifiques de certaines maladies, comme des cancers. Le nouveau laser compact pourrait être installé dans un hôpital et faciliter la collecte standardisée des empreintes moléculaires spécifiques des maladies. D'autres applications pourraient voir le jour pour la détection des explosifs ou encore le suivi de la qualité de l'air. Ensuite, allons-y avec des batteries et du potassium et du sodium pour remplacer le lithium. Pour rendre plus efficaces et surtout moins chères les batteries que nous utilisons désormais quotidiennement, les chercheurs espèrent remplacer le lithium par d'autres éléments plus disponibles. Les scientifiques américains proposent de revisiter deux pistes connues, le potassium et le sodium. La clé, c'est leur pénétration dans les anodes en graphite qui peut être améliorée. Tous les jours ou presque, on recharge les batteries de nos ordinateurs portables, de nos appareils photos, celles de nos téléphones intelligents. Et bien bientôt, nous serons plus nombreux aussi à recharger celles de nos voitures électriques. Les chercheurs continuent de travailler dur pour améliorer ces technologies et en réduire les coûts. L'une des options étudiées actuellement par deux groupes de scientifiques américains consiste à se passer de l'usage du lithium. Pour les chimistes de l'Oregon State University, cet élément rare pourrait bientôt être remplacé par du potassium. Pour les chercheurs de la Wayne State University à Détroit, c'est le sodium qui pourrait se substituer au lithium. Il faut dire qu'aujourd'hui, la technologie des batteries lithium-ion écrase le marché et ces dernières années, le coût de ces batteries a spectaculairement baissé. Il est ainsi passé de quelques 1 000 $ du kilowattheure en 2010 à quelques 300 $ du kilowattheure en 2015. Pour répéter, 1 000 à 300 $. Pourtant, le lithium reste un élément plutôt rare sur Terre, non seulement rare, mais aussi très cher, sans parler des difficultés rencontrées pour les recycler. Le sodium et le potassium, quant à eux, sont bien plus abondants. Sur Terre, ils représentent chacun quelques 2,5% des éléments disponibles contre pas plus de 0,006% pour le lithium. On comprend donc pourquoi les chercheurs sont si enthousiastes à l'idée de lui trouver un substitut, ou même plusieurs. Voici plus de 80 ans que l'idée explorée par les chimistes de l'Oregon State University n'avait plus retenu l'attention des chercheurs. Dans les colonnes du journal de l'American Chemical Society, les chimistes américains annoncent pourtant avoir pu développer une batterie potassium-ion sans avoir à revenir sur le principe éprouvé et bon marché de l'anode en graphite. Le dépôt d'un brevet est même en cours. Contrairement à l'idée communément admise, il s'avère en effet que le potassium est capable de pénétrer le graphite, et ce de façon réversible. En remplaçant l'anode en graphite par une anode en carbone, souple de leur composition, les chercheurs de l'Oregon State University sont parvenus à augmenter la durée de vie de leur batterie. Mais ces performances n'égalent pas celles des batteries lithium-ion, en tout cas pas encore, puisque les chimistes américains assurent pouvoir développer sur la base de leur prototype des batteries présentant une densité d'énergie élevée. D'autres scientifiques de la Wayne State University, cette fois-ci, espèrent bien, eux, trouver aussi une alternative à la batterie au lithium-ion. Pour eux, tout a commencé avec une catastrophe écologique. En août 2014, le lac Erie a connu un épisode extrême d'efflorescence d'algues nuisibles. On se rappelle, l'augmentation rapide de la concentration d'une espèce particulière de phytoplancton a empoisonné le système d'eau potable de Toledo, une ville de l'Ohio. en chauffant ses algues à des températures comprises entre 700 et 1000 degrés Celsius dans de l'argon. Des chercheurs de la Wayne State University ont produit du carbone dur qu'ils ont exploité ensuite comme électrode à haute performance et bon marché dans des batteries au sodium-ion. Une approche trash to treasure qu'on appelle, donc déchets vers trésor, qui pourrait à la fois réduire les menaces environnementales qui font peser les HAB, ça c'était comme tantôt les efflorescences d'algues nuisibles, et fournir à l'industrie du stockage de l'électricité des électrodes vertes. Alors que le graphite est généralement utilisé pour concevoir les anodes des batteries lithium-ion, cette forme de carbone ne convient pas aux batteries sodium-ion, car les ions sodium sont trop volumineux pour pouvoir pénétrer la structure du graphite. Le carbone dur, quant à lui, est un peu moins ordonné et contient plus de défauts dans lesquels les ions sodium peuvent se glisser. Traditionnellement, le carbone dur est produit à partir de pétrole, mais il peut aussi être biosourcé. Et l'avantage des HAB en la matière, c'est qu'il se multiplie rapidement et sans monopoliser les terres agricoles. Les performances électrochimiques des batteries produites par les chercheurs américains doivent être encore améliorées. Ils ont déjà pu noter que la stabilité des anodes était étroitement liée à la température à laquelle les HAB ont été chauffés. Une première piste d'optimisation. Le plus important problème de cette nouvelle technologie reste que les performances des batteries sodium-ion, même si elles se maintiennent ensuite, chutent après le premier cycle de 440 à 230 mAh par gramme. La pollution de l'air pourrait être transformée en encre pour imprimantes. Anirudh Sharma, chercheur au Media Lab du MIT, a mis au point un ingénieux système d'aspiration et de filtration grâce auquel il parvient à extraire le noir de carbone de la pollution atmosphérique et à le transformer en encre noire pour imprimante. Il assure qu'avec un peu de développement, sans oublier la vodka et l'huile d'olive, la qualité de cette encre pourrait rivaliser avec celle des produits du commerce. Tous les utilisateurs d'imprimantes à jet d'encre connaissent le prix vraiment ridicule des cartouches de marque. Et bien voilà pourquoi des alternatives se sont développées, comme les kits de remplissage ainsi que la vente de cartouches compatibles à des tarifs plus abordables. Mais s'il était possible de fabriquer soi-même de l'encre en transformant le noir de carbone présent dans les suies des gaz d'échappement et des combustions d'hydrocarbures. Cette idée de prime abord, surprenante, a germé dans l'esprit d'Anirudh Sharma, un chercheur du célèbre Massachusetts Institute of Technology. Le chercheur du MIT dit avoir eu l'idée d'exploiter le noir de carbone suite à ses voyages en Inde, dont il est originaire. Il évoque la pollution de l'air et un taux de particules de suie assez élevé que le simple fait de se passer un mouchoir sur le visage révèle leur présence en teintant le tissu d'un marron noir peu rassurant. Se rappelant que l'encre de Chine est fabriquée à partir de noir de carbone, Anirudh Sharma pense alors à transformer cette nuisance en quelque chose d'utile. Il a imaginé un dispositif qui aspire la suie présente dans l'air pour en extraire le noir de carbone qui est ensuite mélangé à de l'alcool et à de l'huile d'olive. Il obtient une encre noire qui, comme le montre sa démonstration vidéo sur assemblagerequis.com, semble tout à fait utilisable. Son appareil baptisé Kala est le fruit d'un bricolage astucieux qui assemble un ventilateur de PC positionné à proximité d'une source d'émissions de gaz polluants qui sont aspirés pour en récupérer le noir de carbone grâce à un séparateur. Pour sa démonstration, le scientifique s'est servi d'une bougie dont il extrait la suie émise lors de la combustion. Celle-ci est alors mélangée avec de la vodka et à une goutte d'huile d'olive pour obtenir la viscosité nécessaire. L'encre est transférée dans une cartouche HP contrôlée par un circuit Arduino et permet d'imprimer avec une résolution de 96 points par pouce. Monsieur Sharma précise qu'il lui a fallu agrandir les orifices de la sortie de la cartouche car les particules de son encre artisanale étaient plus épaisses que celles des encres industrielles. Mais il assure qu'en poussant un peu la recherche et développement de son concept, la qualité finale pourrait rivaliser avec celle des cartouches d'encre du commerce. Selon lui, il faudrait environ une heure pour remplir une cartouche à partir des émanations d'un moteur diesel, vieux de seulement 4 ans et à peine une dizaine de minutes en récupérant les fumées d'une cheminée domestique. On parle toujours de couleurs avec une peinture caméléon contrôlée par smartphone. Après les ampoules connectées dont on peut commander la couleur, voici la peinture murale dont la teinte se contrôle via un téléphone. Mise au point en Chine au Shenzhen Institute of Advanced Technology, cette peinture se compose de nanoparticules stimulées par un courant électrique. Une innovation qu'on pourrait retrouver sur nos murs d'ici quelques années. Les vitres qui changent de teinte selon votre bon vouloir, apparues dans Blade Runner, ne vous font plus rêver depuis qu'elles existent vraiment. Des scientifiques chinois pourraient avoir mis au point la prochaine tendance dans la décoration d'intérieur technologique. C'est au Shenzhen Institute of Advanced Technology qu'une équipe a mis au point une peinture qu'on nomme déjà le caméléon. Contrôlée par un smartphone, elle peut changer de couleur une fois posée sur un mur. La technologie utilise des micro-billes cristallisées qui peuvent être modifiées grâce à un processus électrochimique. Pour simplifier la chose, des nanoparticules sont stimulées grâce à un courant électrique qui leur donne une information, gonflée ou dégonflée, pour réfléchir une longueur d'onde différente et ainsi afficher une couleur différente. Si l'utilisation d'un courant électrique pour les stimuler ouvre la possibilité pour celui qui le contrôle de choisir la couleur de ses murs, les microbilles peuvent également être stimulées automatiquement par la chaleur. L'équipe du docteur Du Schumann a imaginé des scénarios qui donnent envie. Donc, imaginez un jour de pluie, une longue journée de travail, des heures dans les bouchons pour rentrer à la maison. Et là, au lieu de vous trouver un blanc devenu gris à cause de la lumière extérieure sur vos murs, vous êtes accueilli par un salon devenu pastel, coloré, immédiatement réjouissant, nous dit Futura Science de la façon la plus cliché possible. Le champ de couleurs proposé varie du magenta au bleu profond en passant par le vert et l'équipe affirme que la peinture peut changer de couleur plusieurs fois sans perdre son éclat. Cette technologie en devenir s'approche de ce qu'on propose, de ce que propose déjà Philips avec ses luminaires, les UHUE, du constructeur permet de contrôler l'intensité et la couleur de votre éclairage. Ces ampoules connectées sont à ce jour l'un des objets intelligents les plus aboutis, notamment grâce à leur simplicité d'utilisation et leur plateforme de développement ouverte, qui a permis à de nombreux développeurs de proposer des applications multipliant les possibilités de l'offre initiale. La commercialisation de la peinture connectée attendra quelques années encore, mais on est confiant. Et, en bref, l'intelligence de l'homme est moins liée à la taille de son cerveau qu'à la façon dont celui-ci est structuré selon une étude. Selon les conclusions d'une étude scientifique internationale coordonnée par l'Université de Vienne, les chercheurs ont jusqu'ici surestimé le lien supposé entre la taille du cerveau et les performances intellectuelles de l'être humain. Expliqué à l'agence de presse autrichienne APA, Jacob Pitschnig, chercheur en sciences cognitives à l'Université de Vienne. Beaucoup plus décisif que, sur le niveau d'intelligence apparaît en revanche l'agence du cortex du mésencéphale ou cerveau moyen et du cervelet, ainsi que la bonne connexion de la matière blanche et de la matière grise, beaucoup plus importante que la taille de la masse cérébrale elle-même. Monsieur Pletchnig et son équipe ont fait la synthèse de 88 études sur le sujet portant sur plus de 8000 cas et publié leurs résultats la semaine dernière dans la revue Neuroscience and Behavioral and Bi-Behavioral Reviews. Comportemental, pardonnez-moi. Autre observation de cette étude, les hommes, bien que présentant généralement un plus gros cerveau que les femmes, n'ont pas démontré de capacité cognitive plus avancée que celle-ci. Des participants dotés d'un cerveau anormalement gros ont par ailleurs obtenu des résultats inférieurs à la moyenne au test d'intelligence. L'importance de la structure du cerveau est également illustrée par le cas de certains animaux dotés d'un maxi-cerveau sans être connus pour être de grands intellos, à l'exemple du cachalot et son encéphale de 9 kg. Évidemment, faudrait pas dire ça à certaines personnes qui animent l'émission du midi sur une autre chaîne de radio. Nous voilà au bout de Merci Science. On retourne en musique. Chiptune entend un peu le Breeze Squad. Et on y va avec quelque chose qui sonne allemand un peu. C'est Der Kompass. MPS, le Mathieu Plante Show. À C'est Fou 89 FM. We'll be right back. Train Wreckin' par Zach Marsa, précédé avant la pause de Der Compass avec l'artiste Breeze Squad au Mathieu Plancheux. Avant de passer à CNX, j'ai envie de faire tout de suite la série musicale. Vous vous rappelez, depuis 3-4 semaines environ, on joue Splatoons, T-U-N-E-S, un hommage par Game Chops au jeu Splatoon, T-O-O-N, disponible sur la Nintendo Wii U, qui fait fureur en ce moment. C'est le jeu où on tire de la peinture partout, c'est génial. Mais donc, on était rendu à la fin du CD, il y a 15 pièces en tout là-dedans, et écoutons les 13, 14 et 15 aujourd'hui en commençant. Par DJ Cutman, voici Sweet Inktory. Come on. C'était trois pièces de la compilation Splatoon par Game Chops. On vient d'entendre Party Members avec Every Time We Splat. Avant ça, Grandcraft avec The End. Et au début, c'était DJ Cotman avec Sweet Ink Terry. La compilation est disponible sur music.gamechops.com. Et évidemment, le lien est sur le site de l'émission au assemblagerequis.com. Et à partir de la semaine prochaine, on écoutera la trame sonore de Super Meat Boy. Donc voici la pièce de Boy Meets Girl. Boy Meets Girl de l'introduction du jeu Super Meat Boy sur la trame sonore originale du jeu. Et là, il y a une grosse controverse en ce moment, une grosse affaire qui se passe par rapport à la trame sonore. J'en parlerai un petit peu la semaine prochaine, mais il y a des remixes qui se sont, pas des remixes, en fait de nouvelles pièces dans les nouvelles versions de Super Meat Boy, parce que le gars qui fait ce qu'on vient d'entendre là n'accepte pas qu'elle soit réutilisée dans les nouveaux jeux. Bref, on vous racontera ça en détail la semaine prochaine, mais pour l'instant c'est le segment geek Cynix. C'est Alex, c'est la chronique dans laquelle on parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Commençons avec les nouvelles du futur. L'industriel Colas vient de présenter Wattway, un revêtement comprenant des cellules photovoltaïques et qui est assez solide pour résister aux voitures et aux camions. De quoi utiliser dans un lieu donné, par exemple en ville, des surfaces dédiées à la route pour produire un peu d'électricité à utiliser localement. Avec son nouveau projet de route solaire baptisé Wattway, la société spécialisée dans l'entretien des infrastructures routières Colas, filiale de Bouygues, ambitionne de produire de l'électricité grâce à des cellules photovoltaïques installées sur la chaussée et capables de résister au passage des plus gros camions. Développée depuis 5 ans avec l'Institut national de l'énergie solaire, l'INES, les dalles Wattway sont posées et collées directement sur la route sans travaux de génie civil. Le projet est similaire à celui de Solar Roadways aux États-Unis, dont on a parlé en 2014. Épaisse de quelques millimètres, ces dalles comprennent des cellules photovoltaïques de 15 cm de côté, constituant une très fine feuille de silicium polycristallin. Elles sont enrobées dans un substrat multicouche composé de résine et de polymères, suffisamment translucide pour laisser passer la lumière du soleil et assez résistante pour supporter la circulation de poids lourds. L'adhérence à des dalles aux roues des véhicules est équivalente à celle des enrobés routiers traditionnels et elle ne nécessite pas d'entretien particulier. Le vent et le roulement des véhicules les dépoussièrent. Aujourd'hui, réalisé par un laboratoire de l'INES, la fabrication des panneaux photovoltaïques passera au stade industriel dans un avenir proche, indique Colas. Donc, on est spécialisé dans la construction d'infrastructures routières dans cette filiale du groupe Bouygues. Leur commercialisation est déjà lancée pour des sites pilotes de 20 mètres carrés à 100 mètres carrés. À terme, le groupe prévoit de vendre son produit basé sur l'énergie solaire autour de 6 euros par watt crête. Je connais absolument rien là-dedans. Dans les zones urbaines, cette technologie apportera une énergie renouvelable au plus près des lieux où la consommation d'électricité est la plus élevée et où la demande est en croissance constante, avance l'entreprise. Dans les régions isolées où la faible densité de population rend les coûts de raccordement au réseau électrique prohibitifs, la route solaire permettra de créer des infrastructures de production d'énergie locale et pérenne en circuit court. Wattway pourrait notamment permettre d'alimenter l'éclairage public, les enseignes lumineuses, les tramways, mais aussi les logements ou les bureaux. Selon Colas, 20 mètres carrés de chaussée Wattway suffisent à approvisionner un foyer en électricité hors chauffage. L'idée de route solaire est déjà expérimentée aux Pays-Bas, où la première piste cyclable solaire au monde, construite sur 70 mètres au nord d'Amsterdam grâce à plusieurs modules en béton de 2,5 mètres sur 3,5 mètres recouverts de panneaux solaires, a été lancée en 2014. Ensuite, un circuit électronique qui s'autodétruit en cas de piratage. Dans le cadre de programmes de recherche initiés par la DARPA, des chercheurs de Palo Alto Research Center ont mis au point un circuit électronique à base de verre trempé qui peut s'autodétruire lorsqu'il est chauffé. Le système pourrait être déclenché à distance et permettre de rendre inutilisables des appareils électroniques ou informatiques contenant des données sensibles. Évidemment, ça nous rappelle Mission Impossible. Le projet piloté par Gregory Whiting a été conduit dans le cadre d'un programme initié par la DARPA, l'Agence de recherche et de développement de l'armée américaine, baptisé VAPOR pour Vanishing Programmable Resources. Il consiste à mettre au point des systèmes électroniques susceptibles de disparaître d'une manière contrôlée. En l'occurrence, l'idée est de faire en sorte qu'un système d'armement ou un équipement électronique militaire sensible tombé entre de mauvaises mains puisse être détruit à distance de façon à le rendre inutilisable ou empêcher la récupération de ses données. L'équipe du parc a récemment présenté son procédé d'autodestruction que l'on peut voir filmé au ralenti dans deux vidéos tournées par IDG News et Live Science. Les circuits électroniques en silicium sont incorporés dans un verre trempé qui, lorsqu'il est chauffé sur un point précis, explose en milliers de morceaux. Dans la démonstration, l'explosion est déclenchée via une photodiode stimulée par un laser. Selon Gregory Whiting, la commande pourrait être émise à distance via une connexion sans fil Wi-Fi ou à un autre système de communication radio. Dans ce reportage réalisé par le blogueur Robert Scoble, le chercheur explique que le procédé fonctionne avec toutes sortes de circuits électroniques du commerce à base de silicium. L'équipe a eu l'idée de recourir au verre trempé, aussi appelé verre de sécurité, en raison de sa propension à se fragmenter en tout petits morceaux en cas d'explosion. Les chercheurs ont modifié la méthode du traitement de ce type de verre afin de pouvoir obtenir une épaisseur inférieure au millimètre. Le procédé dit d'échange d'ions consiste à plonger un verre dont la composition est riche en ions sodium dans un bain chaud de nitrate de potassium. Les ions potassium qui sont plus volumineux cherchent alors à prendre la place des ions sodium, ce qui a pour résultat de créer une forte tension dans le verre. Un choc thermique suffit alors à faire exploser celui-ci. Selon Gregory Whiting, le procédé permet d'intégrer des circuits de silicium sur le verre trempé ou de le fondre directement dans la masse. Les essais filmés ont été réalisés avec des verres de 250 micromètres d'épaisseur, mais les chercheurs indiquent que toutes les tailles seraient envisageables. Selon eux, le principal avantage de leur invention est qu'elle rend impossible toute récupération de données car les débris de verre sont si petits qu'ils fractionnent les bits eux-mêmes. Hein? Ça se casse la bite, toi, ça n'a pas de sens. Du haut de ses 12 mètres, Big Delta, c'est son nom, est la plus grande imprimante 3D au monde. Conçue par la jeune pousse italienne Wasp, elle peut fabriquer une maison sommaire en une semaine, de quoi abriter des populations sinistrées après une catastrophe naturelle ou créer rapidement des habitations dans des zones défavorisées. Imaginez un monde dans lequel on pourrait construire un habitat sommaire en quelques jours pour répondre à une situation de crise humanitaire ou pour loger les populations qui n'ont pas accès au logement. C'est ce que cherche à faire la start-up italienne WeWasp pour World Advanced Saving Project avec Big Delta. Une idée pas si loufoque qu'elle en a l'air. C'est avec la plus grande imprimante 3D du monde que Wasp veut mener à bien son projet à la fois technologique et humanitaire. Ce monstre de métal peut en effet prendre pour matière première à peu près tout ce qui se trouve à proximité de lui pour en faire des sortes de briques alvéolées. Constituées idéalement d'eau, de pierre et de paille, et une fois empilées les unes sur les autres, ces briques se solidifient et créent des murs qui forment une habitation qui ne demande pas beaucoup d'entretien. Ces maisons constituées d'une seule pièce font 6 mètres au sol et prennent la forme d'igloo une fois que les briques sont posées, permettant ainsi de conserver la chaleur. Avec une population en croissance certaine pendant plusieurs décennies, on comprend la nécessité de pouvoir construire des habitations à bas coût avec des matières premières locales et très rapidement. L'imprimante 3D de Wasp peut construire une habitation en une semaine à peu près. Comme on le rappelle, le Smithsonian, l'ONU, annonce que pour loger la population, il faudrait construire 100 000 habitations par jour d'ici 2030. Un défi que des entrepreneurs ingénieux pourraient relever. Vous pouvez aller voir du verre imprimé en 3D, pourquoi pas aller voir des vidéos de choses imprimées en 3D sur assemblagerequis.com. Dans l'article dans Scénix. Là, on parle toujours d'impression. La progression de l'impression 3D ne signifie pas que sa croissance sera infinie. Les spécialistes s'interrogent sur l'avenir de la technologie et redoutent la déception du grand public. Le secteur de l'impression 3D continue sa croissance et il adopte de nouveaux matériaux à mesure que les machines se miniaturisent. Ouvert traditionnellement aux industries lourdes, le marché tente de mettre un pied auprès du grand public. L'objectif de certains spécialistes est de pouvoir installer une imprimante dans chaque foyer, notamment pour les besoins courants. Une assertion encore difficile à vérifier. Invité à l'occasion du salon 3D Print Show 2015, le Dr Ludmila Striukova, conférencière à la University College de Londres, estime qu'en 2030, seulement les particuliers utiliseront la 3D à domicile pour imprimer les objets du quotidien. Un horizon encore lointain dans la mesure où les besoins en matière d'impression 3D pour les foyers ne sont pas correctement définis. On précise, l'impression 3D fait des déçus et la courbe d'adoption peut être revue à la baisse dans la mesure où la croissance du secteur sera non linéaire. Tout le monde ne va pas interpréter cette technologie de la même manière. Les personnes de nature enthousiaste seront peut-être prêtes à faire le pas, mais pas les pragmatiques. Nous risquons donc de voir un écart se creuser entre ces populations, limitant l'impact de la 3D. Pour que l'impression 3D connaisse une croissance, un impact notoire dans les foyers, il est nécessaire que d'autres technologies viennent s'y greffer. On voit dans ce marché de nombreuses ressemblances avec celui des PC. L'arrivée des imprimantes et d'Internet a permis à ce secteur de faire des bons et d'entrer massivement dans les foyers. Il y a donc, au sens du professeur d'économie Thierry Reyna, un fort besoin d'accompagnement pour que l'impression 3D progresse. À présent, le responsable estime que le secteur de l'impression 3D devrait s'inspirer du biomimétisme pour élaborer de nouveaux procédés de fabrication. Ça, c'est s'inspirer des animaux. En simplifiant et en rendant plus rapide ces processus, il entrevoit une meilleure attractivité du secteur. Maintenant, la DARPA, l'Agence de recherche et de développement de l'armée américaine, vient d'initier un programme baptisé iCare qui vise à inventer des engins volants sans moteur susceptibles de s'autodétruire une fois qu'ils ont livré leur cargaison. Ils pourraient notamment servir à l'approvisionnement de civils ou de militaires dans des zones isolées ou difficiles d'accès. Dans son dernier programme de recherche et de développement, l'armée américaine s'inspire de la mythologie grecque et plus particulièrement d'Icare, dont les ailes en cire ont fondu alors qu'il s'approchait trop près du soleil. Bon. Donc, dans quel but créer des drones sans moteur à usage unique et qui pourront être lancés depuis un avion ou un ballon stationnaire pour aller livrer les cargaisons avant de s'autodétruire? L'idée de pouvoir atteindre les zones sinistrées ou difficiles d'accès en se libérant de la logistique au sol afin d'aider des civils ou des militaires ayant besoin de médicaments, de nourriture ou d'équipements légers. Baptisé Icarus, donc Inbound Controlled Air Releasable and Recoverable Systems. Donc, on a vraiment utilisé le nom Icarus comme Icar et on lui a donné une définition. Cet appel à projet d'une durée de 26 mois dispose d'un budget de 8 millions de dollars. Alloué par la DARPA, la branche recherche et développement de l'armée américaine, le cahier des charges est des plus exigeants. Ces engins sans moteur devront pouvoir planer sur une distance latérale d'au moins 150 km s'ils sont lâchés à plus de 10 600 mètres d'altitude, transporter jusqu'à 1,4 kg de charge utile, se poser avec une précision de 10 mètres et se désintégrer complètement dans un délai de 4 heures après leur atterrissage. Un défi technique immense. Peut-être même irréaliste, le DARPA l'admet, estimant qu'il s'agirait d'un pur fantasme si plusieurs avancées concrètes ne permettaient de rendre la chose envisageable. En effet, Icarus s'inscrit dans une initiative plus large qu'est le programme Vapor pour Vanishing Programmable Resources dont on parlait tout à l'heure. Retrouver la vue grâce à des lunettes technologiques, c'est le rêve d'une Victoriavilloise. Une famille de Victoriaville utilise le sociofinancement pour parvenir à acheter une paire de lunettes technologiques eSight qui permet aux malvoyants de retrouver une bonne vision. On en parlait à l'émission récemment. Donc, ça s'appelle « Donner la vue à André Rochon », le titre de la page que le fils d'André Rochon a créé sur le site GoFundMe. Yannick Rochon a fait une surprise à sa mère en février dernier en l'amenant à une séance d'essai à Montréal. Sa mère a pu voir de ses yeux pour la toute première fois. Elle pourrait retrouver dorénavant la vue. Vous pouvez aller voir l'article avec plus de détails sur tout ça sur assemblagerequis.com. Présentement, on est rendu à 18 personnes en 7 mois qui ont donné presque 1 000 $ sur les 15 000 qu'on attend. Donc, allez voir ça. Il reste encore du temps. Et puis, on a évidemment parlé de ça sur le site de radiocanada.ca. Donc, j'imagine que ça va aller mieux dans les prochains jours. Alan Pan est-il le nouveau Thor? Cet ingénieur en électronique a recréé Mjolnir. J'imagine qu'on prononce ça Mjolnir. Le marteau du dieu de la foudre qu'il est le seul à pouvoir soulever. J'attends les gens dans le studio qui vont venir cogner à la porte. Donc, bien connu des amateurs de mythologie nordique, Mjolnir l'est également des fans des comics ou bandes dessinées Marvel, puisque c'est l'arme de prédilection de Thor. C'est le modèle qu'on aperçoit dans Avengers. Alan Pan, un ingénieur américain, a reproduit en vrai. La particularité de ce marteau, c'est qu'il ne peut être soulevé que par une personne qui en est digne. On se souvient de l'excellente scène de Age of Ultron à ce sujet. Je ne l'ai pas vu, je fais que citer l'article de Clubic.com. Alan Pan a donc reproduit cette idée en intégrant de puissants électro-aimants à son marteau, ainsi que des éléments d'un micro-ondes qui le collent complètement à n'importe quelle surface métallique. Mais l'ingénieur est allé plus loin, il a intégré au manche un capteur d'empreintes digitales qui, couplé à une carte Arduino Pro Mini, lui permet d'être reconnu par Mjolnir. Il devient ainsi le seul à pouvoir le soulever. Dans une petite vidéo publiée sur YouTube, Alan Pan propose aux passants d'essayer de soulever le marteau. On découvre à la fin de la vidéo un moyen de contourner le système de l'ingénieur grâce à un passant qui a de la suite dans les idées. Et là, évidemment, je vous dévoile pas le punch, là. Mais bon, voilà. Donc, Mjolnir sur assemblagerequis.com pour voir la petite vidéo. Les internautes sur mobile, donc les mobinautes, sont gênés par la pub tout en lui reconnaissant une certaine utilité. Sur la pub mobile, les avis sont mitigés, c'est ce que rapporte une étude menée par la Mobile Marketing Association et le cabinet Geek, GKK, auprès d'un millier de personnes. Il y a les pour 2/3 des sondés, le marketing mobile les aide à trouver facilement un point de vente. Ce qu'on appelle le Drive to Store, qui est un modèle sur lequel parient beaucoup les annonceurs car il leur permet de transformer une pub en visite en magasin. Un peu plus de 60% des personnes louent aussi le côté, louent comme dans les louanges, le côté informatif des annonces pouvant faire office d'alerte sur la disponibilité d'un produit. Mais il y a aussi les contres, ils sont assez nombreux. Pas moins de 3/4 des mobinautes continuent de se plaindre du côté gênant de la pub. Une proportion équivalente se dit résignée. L'un des défauts de la pub mobile qui est d'avoir reproduit les caractéristiques de la pub pour les ordinateurs de bureau. L'étude révèle aussi le fameux paradoxe des données personnelles. 68% des répondants ont le sentiment d'être espionnés et 67% craignent de communiquer des informations privées à leur insu, alors que ce sont justement ces données qui permettent d'atteindre un meilleur ciblage. C'est pour ça qu'en tant que tel, je pense que le ciblage, c'est une bonne chose. Sinon, tu aurais des publicités qui veulent absolument rien dire. Tu serais pas intéressé par des choses dans la vie. Tu découvrirais peut-être moins de choses. Bref, c'est ça pour ça. On reste dans la pub. L'organisme normatif de la publicité au niveau mondial, celui qui définit la largeur des bannières, par exemple, a publié un mea culpa inattendu en réponse au blocage de la pub. La publicité en ligne va-t-elle changer? Plus légère pour économiser la batterie des téléphones et réduire le temps de chargement des pages, moins invasive afin de ne plus occuper toute une fenêtre au point de bloquer l'accès au contenu, ce qui arrive tellement souvent. Ces pistes sont lancées, surtout quand tu fais une émission de radio d'ailleurs, par l'IAB lui-même, l'organisme qui édicte les normes de la pub en ligne, dans une lettre sous forme de mea culpa où il va jusqu'à avouer s'être planté. Hein? C'est Scott Cunningham, responsable de la technologie et des opérations, qui s'est collé à cet exercice en total décalage avec les habitudes du bureau, habitué aux auto-satisficies, j'avais jamais entendu ce mot-là, sur les vertus de l'hyper-ciblage. Dans ce texte, l'homme prend acte de la part de responsabilité de l'organisme dans l'état du marché, où la pression et le ciblage ont couru après l'érosion des revenus pour atteindre les proportions telles que les internautes se sont mis à bloquer la pub à grande échelle. 200 millions de adblocks. Incroyable. Donc pour l'IAB, il faut réagir. Et là, on parle de nouvelles règles qui pourraient être amenées. La réponse, donc, pour l'instant, un groupe de travail dont la mission sera de proposer aux annonceurs et aux éditeurs de nouveaux standards pour la pub sur PC et sur mobile. Le cahier des charges est résumé par l'acronyme Lean pour une pub légère, chiffrée, consentie et non intrusive. Lean veut aussi dire Lean Cuisine, comme dans Cuisine minceur, on comprend. Donc, amincir les choses. Alors que les spécialistes du ciblage et du reciblage, comme la pépite française Criteo, tellement français comme expression, disent vouloir éviter un ciblage trop insistant, considérant qu'il effraie les internautes car il en sait trop. L'IAB compte formuler des propositions pour calmer le jeu. La recherche à tout prix d'automatisation et d'optimisation pour maximiser les profits, écrit l'IAB, a coûté plus cher qu'elle n'a rapporté et a érodé la confiance des gens. C'est bien de s'en rendre compte éventuellement, même si c'est un petit peu sur le tard. Votre PC pourrait passer à Windows 10 si vous n'y prêtez pas attention. Gare à ceux qui autorisent l'installation et les mises à jour proposées par Windows Update sans vérifier ce dont il s'agit, nous dit branchezvous.com. Propulser 1 milliard d'appareils d'ici 2018, c'est la cible que Microsoft a avec Windows 10. Donc l'entreprise irait-elle jusqu'à forcer son installation à l'insu des utilisateurs pour y parvenir? Ben Colin, c'est Microsoft. Êtes-vous vraiment surpris? C'est ce que laisse croire les observations de Ars Technica, un des sites les plus réputés sur le web, qui a découvert récemment que la case liée à la mise à niveau vers Windows 10 proposée par Windows Update était maintenant cochée par défaut. Ce qui ne devrait pas être le cas puisqu'il s'agit d'une mise à jour facultative. Conséquence, les utilisateurs qui n'ont pas prêté attention à ce léger détail, laissant Windows Update faire son travail, se sont retrouvés avec un tout nouvel OS, avoir à réapprendre tout. Et Colin, ça fait plaisir à Microsoft de pouvoir mettre ça dans la colonne des 10 milliards de mises à jour. Ils reconnaissent leur erreur, par contre, dans une citation que je cite à l'instant. Dans le cadre de notre effort d'offrir Windows 10 aux utilisateurs de Windows 7 et 8, la mise à niveau vers Windows 10 peut apparaître dans le tableau de bord des mises à jour facultatives de Windows Update. Suite à de récents changements apportés à Windows Update, cette option apparaissait comme étant cochée par défaut. Il s'agit d'une erreur et nous allons la décocher. Mais maintenant, c'est fait. Donc, les gens sont tous passés, donc ils ont pu mettre leur compteur à super beaucoup trop élevé. Et maintenant, ah ben, on va l'enlever le crochet pour le reste du monde. Il en reste-tu vraiment? T'sais, pas tant que ça. C'est seulement les gens qui auront coché ne pas recevoir les mises à jour. Puisque nous ignorons si cette modification a été déployée par Microsoft au moment d'écrire l'article, nous invitons les utilisateurs récalcitrants à passer à Windows 10, d'être prudents avant d'autoriser l'installation des mises à jour proposées par Windows Update. Bien sûr, article de branchezvous.com. Est-ce qu'il reste tant de nouvelles que ça? Je vais juste regarder rapidement combien de temps durent mes dernières chansons. Voilà, on vient avec quelques petites nouvelles de jeux vidéo, tiens, pourquoi pas. La nouvelle console de Nintendo qui s'inviterait dans le salon et dans la poche des joueurs. La future nouvelle console de Nintendo pourrait bien s'inviter à la fois dans le salon et dans la poche des joueurs. Ce sont les premières informations qui ont filtré du premier kit de développement distribué par la firme japonaise. Une console de salon dotée d'un terminal portable. Voilà qui pourrait être la forme prise par la NX, la nouvelle console que Nintendo prévoit d'officialiser en 2016. C'est le Wall Street Journal qui rapporte l'information en se basant sur ses données récoltées suite à la distribution d'un premier kit de développement. Je cite, « La forme matérielle de NX n'est pas encore claire, mais des personnes proches des plans de développement de Nintendo ont expliqué qu'elle pourrait inclure à la fois une console et au moins un dispositif mobile qui pourrait être utilisé directement avec la console ou de façon séparée. » Les critiques réalisées à l'encontre de la Wii U, techniquement à la traîne face à la concurrence, auraient également poussé Nintendo enfin à investir dans des composants beaucoup plus performants auprès de leaders de l'industrie pour rivaliser plus concrètement avec Sony et Microsoft. On se doutait cependant déjà que Nintendo allait mettre les bouchées doubles côté performance, et cette rumeur n'apporte donc finalement pas grand-chose d'étonnant. C'est surtout du côté de la forme que prendrait ce nouveau produit que l'entreprise a une carte à jouer. Nintendo pourrait donc développer davantage ce qu'il a commencé avec la Wii U et son Gamepad, en proposant un dispositif indépendant à part entière. Dit Clubic.com ici, gageons que nous n'en sommes qu'au début des rumeurs concernant la NX dont l'officialisation arrivera dans le courant de l'année prochaine. J'ai vraiment extrêmement hâte de me procurer cette console, hein? Étant fan de Nintendo et d'Apple. Top 10 maintenant de jeux vidéo en club vidéo en 9e. Encore une fois, ils manquent tout le temps une position dans leur top. Je comprends pas trop pourquoi, c'est pas grave. Faudrait peut-être que je change de place pour aller trouver un autre top. Donc, position numéro 9 à 6. FIFA 16, Super Mario Maker, Destiny The Taken King Legendary Edition et Forza Motorsport 6. En 5e, on retrouve Uncharted The Nathan Drake Collection sur PlayStation 4. En 4e, NHL 16 sur Xbox One. En 3e, Dragon Quest Hero sur le PS4. Oui, c'est ça, c'est The World's Trees quelque chose. La suite du titre. Tellement il est long que ça rentre pas dans leur top. En deuxième, NHL 16 sur la PS4 et en première. Oh, que je suis donc content de voir ça. Je me suis acheté la semaine passée. La fin de semaine passée, j'ai littéralement acheté ce jeu-là. Donc peut-être que je suis dans le top 10. Wow. C'est Yoshi's Woolly World et je vous en reparlerai une fois que je serai rendu plus loin que le monde 4. Parce qu'il y a 6 mondes dans le jeu, je suis rendu au monde 4. J'aimerais ça finir le jeu avant de vous en parler. Donc Yoshi's Woolly World sur la Nintendo Wii U. J'adore ça. Et voilà, Colin, c'est à bout de souffle que j'arrive au bout du Mathieu Plante Show. Ça fit bien quand même, tu sais, manque d'air et manque de temps. Voilà, merci d'avoir écouté le Mathieu Plante Show pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine en direct les mercredis de 15h à 17h, jeudi de 13h pour la rediffusion. Je vous retrouve aussi à Assemblage Requis du lundi au jeudi à 6h30 et les Palmarès C'est Fou les mardis à 15h. CIF.ca pour la programmation complète, AssemblageRequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. De la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante ainsi que Samuel Girard, c'était Mathieu Plante, vous avez été planté. Alors on se quitte avec une pièce de Shovel Knight et à la semaine prochaine, bye!